13h passées de 30 minutes. Bonjour tous à vous toutes. Voilà, on a pu débuter l'émission avec du disco. Voilà, donc pour cela, on va en réécouter au cours de l'émission du disco, tout simplement. Rassurez-vous. Voilà, nous aussi, j'espère que vous avez passé tout simplement une bonne matinée. Et on voit très bien que le froid arrive de peu en peu. Bon, ben c'est pas grave, c'est les saisons, voilà donc, mais la musique, elle est partout, carrément. Allez, l'hiver, le printemps, l'été, la musique est toujours là avec nous. Voilà donc, eh bien, sans plus tarder, ben, je vous laisse avec d'autres chansons différentes. Et voici donc France Gall, avec Samba Mambo, et puis juste après, Bibi. Je pense.

Voilà, non, bah, je vous laisse avec François Hardy. Si le titre, je suis d'accord. Et puis juste après elle, on écoutera trois chansons portugaises. Je suis d'accord pour le cinéma, pour le rock, le twist ou le cha-cha. Je suis d'accord pour tout ce que tu voudras, mais ne compte pas sur moi pour aller chez toi. Dans la rue, si nous nous promenons, je suis d'accord pour de longues stations. Tu peux me faire mille propositions, mais ne me demande pas d'aller chez toi. Ensemble on est heureux, je suis d'accord. On fait de notre mieux, ça peut durer peut-être un mois ou deux. Si tu ne me demandes pas d'aller chez toi. Ensemble on est heureux, je suis d'accord. On fait de notre mieux, ça peut durer peut-être un mois ou deux. Si tu ne me demandes pas d'aller chez toi, oh, oh. Si tu ne me demandes pas d'aller chez toi, oh, oh. Chez toi, ouais, chez toi. Arc-en-ciel. Oh, amour, amour, amour, amour. Sur la colline d'Alcassova, j'ai beau chercher, tu n'es pas là. Je t'appelle et tu ne m'entends pas. Au mur de la fac de Coimbra, j'ai collé des photos de toi, tellement reine avec ces beaux yeux-là. Et au Saint-Fils, je me sens comme perdu sans toi et bien. Comme perdu, tu vois, et bien puni, m'être éloigné de toi. Oh amour, amour, amour, amour, j'ai peur que se noie dans l'eau, amour, le goût de ton corps, comment l'oublier comme ça. Oh amour, amour, amour, amour, c'est une mise à vie et pas à mort, qu'implorent les étoiles d'Estrella. Les escaliers de Quebra Costas semblent avoir égaré ta trace. Je t'appelle et tu ne réponds pas. La nuit se lève, maintenant j'angoisse. Je tremble et ne tiens plus en place. Prie le ciel qu'il me guide jusqu'à toi. Et au Saint-Fils, je me sens comme perdu sans toi. Et bien puni de t'avoir laissé. Et au Saint-Fils, je me sens comme perdu, tu vois, et bien puni, m'être éloigné de toi. Ligue, mi amour, teu corpo me manque si fort. Ligue, mais por favor, j'ai besoin de toi encore. Oh amour, amour, amour, amour, j'ai peur que se noie dans l'eau. Oh amour, amour, amour, amour, c'est une mise à vie et pas à mort, qu'implorent les étoiles d'Estrella. Oh amour, amour, amour, amour. Oh amour, amour, amour, amour. Oh amour, amour, amour, amour. Oh amour, amour, amour, amour. qu'implore les étoiles d'un stellar. Voici donc, comme promis, voici donc le disco. Voici donc Bonhomme et Scotch. Voici donc Rasputin, et puis juste après, donc encore du disco. Rasputin, Russia's greatest love. donc Franck Michael avec Rose et Marguerite, et puis juste après Pierre Perret, Aimé, Liberté, tout simplement. C'est la main dans la main qu'ils avaient fait le long chemin. Il disait, bien ma belle, moi je n'ai qu'une étoile à mon ciel. J'ai la mémoire de nos beaux jours. Le vent du soir n'est pas celui des amours. Et si doux d'entendre encore amoureux fou ces amants de longtemps, fiers de leurs 4 fois 18 ans. Des mots un peu usés, galvaudés certes, mais qui n'ont pas dit leur dernier mot. Elle va sublimer les mots libres, la subversion et l'irrespect, contester la morale des livres, innocenter les mots suspects. Amour, liberté, vérité, il faudra choisir. Ce matin, ma plume est au centre, en plein dans le cœur du sujet. La folle se frotte le ventre, au quadrillé d'un premier jet. Réhabilitant la matine, les mots traqués qui en ont bavé. Qu'elle va guérir dans les épines, voire même sous quelques pavés. Amour, liberté. va livrer sans rectitude ses solécismes à un bagou que d'aucuns trouvaient d'habitude, tout persillé de mauvais goût. Certes, le goût des dithyrambes qu'un futur académicien accompagne de rondes jambes n'a rien à voir avec le mien. Chrétien détestable, confiait en ricanant tout bas, qu'avant tout une chose convenable, c'est bien sûr celle qui ne convient pas, que notre première patrie sur terre, mes chers ministres, c'est la vie. Je vous dis ça avant qu'il y ait une guerre, et que vous ne soyez dans vos abris. Sacrifice et patriotisme, gloire et honneur, fumisterie. Ces mots ne sont que des sophismes qui envoient les hommes à la boucherie. Aujourd'hui, ironie suprême, Hiroshima boit du coca. Les Français et les Allemands s'aiment, le commerce a repris ses droits. Amour, liberté. Plus rien dire. L'air de rien, on est pas mal tout là-haut, on goûte aux étoiles. Pour mieux se parer de douceur, tu verrais tout d'un œil nouveau. Oh. Si on ressortait nos pinceaux pour dessiner à bras le cœur les contours de nos idéaux. Là-haut, au-delà des sottes apparences, dans le sillon de l'existence. Voici donc Thierry Hazard, le Jack, et puis juste après, d'autres chansons différentes. Comme par exemple, il y aura Alphaville. Poitrine, oui, du genre d'Olly Pardon. Elle que les émissions pour cette fin après-midi et puis juste ainsi que pour demain mercredi. Donc à partir, tout simplement, partir de 19h, 19h jusqu'à 21h, vous allez retrouver Christophe avec Electric Shock. h 9h, Francky au réveil sur Radio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. Voilà donc ainsi demain, à partir tout simplement déjà mercredi. Et puis juste après, vous allez retrouver entre 9h jusqu'à midi, Victor Portugal Fiesta. Dans l'après-midi, 14h, 16h avec Gloria. Bonjour, je m'appelle Alain Pennec. C'est Christine Balfa avec le groupe Alpha du jour. Bonjour, c'est Gabriel Yacoub. Bonjour, je suis Jean-Paul Corbineau du groupe Trian. C'est Denis du groupe Mes Souliers sont Rouges. Vous écoutez Traditionnel sur Radio Arc-en-Ciel Orléans. Sur Arc-en-Ciel, les musiques traditionnelles, c'est le mercredi de 18h à 19h30. Voilà donc, et puis suivi après de 19h30 jusqu'à 21h avec Christina. Voilà donc, eh ben, je vous laisse avec ces chansons mélangées, tout simplement. Arc-en-ciel. se me llevó tu pena. Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena. ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra. Thank you. Voici donc Billy avec Bye Bye et puis juste après Cillian. Bien dit non, eux, enfant, oui, sur le bon ton. Arc-en-ciel. Voici tout simplement, s'appelle Mariam avec son titre Ma Colombe. Et puis juste après, Sacha Distel qui parle aussi des animaux, mais lui des grenouilles. Le titre s'appelle Pour lui, tout simplement, il n'y a tout simplement que des grenouilles. Ce matin j'ai vu tomber la colombe dont le plumage était de rouge taché. Elle avait survolé Lisbonne dans le grand soleil et pourtant un coup de feu sec qui résonne. grenouille, ça n'aime pas l'eau. Tu fais bouillir les nouilles qui rend pas l'eau. On n'aime pas les gargouilles qui crachent de l'eau. La flotte, ça fourrouille tous les noyaux. On n'est pas les grenouilles, on n'aime pas l'eau. On n'est pas les grenouilles, ni les crapauds. On n'a jamais la trouille, voire un peu trop. Même lorsque ça s'embrouille dans notre cerveau. C'est pas comme nos grenouilles sous les drapeaux. Ils ont de sa patrouille, que d'eau, que d'eau. On n'est pas des grenouilles, on n'aime pas l'eau. On n'est pas des grenouilles, ni des crapauds. Oh, oh, oh, la la la, la la la la la, la la la, la la la la la. On est noir comme la houille, on se dit des mots. Sous les coups on fait houille, on se met KO. On a la bouille, ah ah oh oh. La tête comme une citrouille, comme un cajot. On n'est pas les grenouilles, on n'aime pas l'eau. On n'est pas les grenouilles, ni les crapauds. Voici donc Chantal Goya, Pandi Panda. Ton regard fut si merveilleux que j'en pleurais de bonheur. Tous mes amis, mes parents t'ont aimé. Tout de suite, ils ont voulu t'adopter. Avec ton petit museau charmant, ton costume noir et blanc, tu as fait rire toute la maison pendant 100% ans des bons. Pandi Panda, petit ourson de Chine. Pandi Panda, et dans l'Himalaya. folies s'amuser aussi. Tes folies sont tes meilleures amies. La vie est belle quand tu souris. La vie est belle et toi aussi. Bailaré, bailaré, t'as éveillé mon cœur. Bailaré, bailaré, oh, oh. Bailaré, bailaré, t'as éveillé mon cœur. Bailaré, bailaré, oh, oh. Éveillé mon cœur, je te connais par cœur. On est dans le cœur. Éveillé mon cœur, je te connais par cœur. On est dans le cœur. Éveillé mon cœur, je te connais par cœur. On est dans le cœur. Éveillé mon cœur, je te connais par cœur. On est dans le cœur. Voici tout de suite, tout simplement, Nana Mouskouri. Je chante avec moi, Liberté. Juste un instant, on a pu entendre avec un des chansons, Liberté, de Pierre Perry. Et puis juste après, nous coupera Lily Harmonie. Dans la joie, on est là, je prie. Fabien, c'est l'heure. Pas au total à mon réveil. Comment survivre? je fais l'amour comme une femme, un peu comme on déguste un fruit. Je bois au vasque de l'envie. Je te fais l'amour comme une femme, dans le clair-obscur des volets, j'écoute nos bouches voler. Je te rêve, plus que ne te prends. On dirait même que j'apprends quelque chose que j'ignorais. Des ongles aussi, tu me surprends, et ton corps entier me comprend et me révèle des secrets. Comme une femme, avec le cœur au bout des doigts, pour caresser le tien tout bas. Je te fais l'amour comme une femme, je t'aime cheveux par cheveux, et m'attarde où ton instinct veut. Quelque chose que j'ignorais. Des ongles oscillent, tu me surprends, et ton corps entier me comprend et me révèle des secrets à moi-même. Je t'aime. Comme une femme, et j'accorde tous les violons de l'orchestre de nos frissons. Et comme un océan, je me pâme au soleil de ta nudité, qu'explore mon identité. Comme on s'agenouille, comme on prie, comme on sculpte, comme on écrit, comme on efface, comme on gomme. Et que l'enfer entre en paradis, où est la femme, où est l'homme. Arc-en-ciel, les meilleurs sons latinos. Voici donc quelques titres latinos. Princesa, o ella o ella. pasan las horas. Princesa, pídame el cielo de azul. Princesa, hazme que vea la luz. Princesa, bésame y hazme volar. Princesa, huella, huella, huella. Huella, huella, huella. Ay, ay, ay, ay. Ella no baila sola. Ay, ay, ay, ay. Bailando me enamora. Ay, ay, ay, ay. Ella es la única reina perfecta de todas las más bellas. Hasta que salga el sol, bailemos sin pena. Baila, que contigo yo me zumbo. Une des chansons qu'on a passées tout à l'heure de Céline Dion, et puis juste après elle, on écoutera Elsa Smooth et tout simplement notre chanson de Franck Michael. Donc un petit coucou, donc un verrou, comprendra les titres des chansons. Venise, je t'ai dit on part. Adieu les villes grises, on va vivre dès ce soir. Un carnaval d'amour, oh, la nuit sur le canal. Au petit jour, des chansons velours, des millions d'étoiles. Un carnaval d'amour, oh, où tu conduis le bal. Ah, et le bonheur qui fait battre le cœur du carnaval. La peine, le pont des soupirs, mais un seul je t'aime m'a rendu le sourire. Un carnaval d'amour, oh, la nuit sur le canal. Ah, jusqu'au petit jour, les chansons velours. Après demain, on sera jeudi. Donc voici les programmes pour jeudi, ainsi vendredi. h-9h, Francky au réveil sur Radio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. Et puis donc juste après donc jeudi matin, à partir de 9h jusqu'à midi avec Vaz de Portugal, Armeur Giro. Dans l'après-midi, à partir de 15h jusqu'à 17h avec Chantal Groove Tropical. Juste après, tout simplement à partir de 18h, 20h avec Sylvia pour l'émission tout simplement musical, voilà. Et puis juste après, pause musicale, et juste après, à partir de 20h jusqu'à 22h, avec Julien Noche Famenka. Ainsi donc pour le vendredi. h-9h, Francky au réveil sur Radio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. Et puis juste après lui, tout simplement à partir de 9h jusqu'à midi, donc vendredi, avec Lorenzo. Et puis vous allez me retrouver moi-même à partir de 13h30 jusqu'à 16h avec l'émission Souvenirs. Et puis en fin de ce soirée, tout simplement, avec Manuel à partir de 17h jusqu'à 19h. Et puis juste après, vous allez retrouver Albino. Voilà, donc on continue bien sûr les chansons différentes et voici tout simplement Willie William et puis suivi de Tac à Tac. Arc-en-ciel. Aquí nadie te ve como yo te veo, no me importa el color de tu piel. Si vienes a bailar yo estaré ahí, vamos a romper la disco, ven acá mami. También. La gente bailando y tú bla bla bla, que se ataca yo, que basta ya. Después este muchacho llegó el tacatá, que a todos les gusta. Ay mamá, te veo atacado y bien sofocado, escribiendo cositas desesperado. Invente una cosa nueva, la hao. Dale mamacita, tacata, dale mamacita con tu tacata, dale mamacita. mi música buena que hago con amor para todas las nenas. Dale, tómate un vaso de agua con canela y verás, muchachitos, te pasan las penas. No juegues conmigo que yo soy candela, tú sabes que yo soy el rey de las nenas. Oye, muchacho, tú sabes que soy candela, tú sabes que soy el rey de las nenas, el que pone la cosa buena, que ya todo el mundo sabe que es lo cante de La Habana. Mira cómo dice mi tacata, que empieza la fiesta, tacata. La gente bailando el tacata, todo el mundo gritando, tacata. Sube el volumen de tacata, mueve tu culito, tacata. También el pechito, tacata, que empieza la fiesta, tacata. Hacete tacata que te gusta a ti, mami. Tacata, tacata, tacata, bro. Il s'appelle Stromae avec Papa Doué.

Voici donc qu'elle s'appelle Laurie avec J'ai besoin d'amour. Et puis juste après elle, ce sera tout simplement Louyana. Thank you.

Rádio Macau na tarde da RDP Internacional. Que grande canção de Azul em Azul, é assim que se chama. A hora certa, vamos ter notícias. Regresso logo depois para a terceira parte da tarde da RDP Internacional. Já reparou bem, hoje é terça-feira, não é? Hoje é dia dos meus direitos com Graça Cabral e Isabel Flora. Isabel, vamos falar sobre o que é na edição de hoje? Se sabemos que o preço da eletricidade e do gás natural do mercado não regulado já aumentou. Vamos olhar para o preço das coisas que disparou neste ano que começou. Quando nós formos velhinhos, cá em casa os dois sozinhos, de pantufas e roupão, se ainda me deres ouvidos, vou buscar-te os comprimidos e cuidar-te da atenção. Se a pensão der para pagar e se o tempo não chegar, vou levar-te de viagem. Podemos ir num cruzeiro, ver os dois o mundo inteiro, nem que seja outra margem, e tocar nos giradiscos aquela nossa canção. Será que a menina dança e me dá a confiança de pegar na sua mão?